proche d'un lieu où le croisement de deux véhicules est difficile. Pour résoudre cette difficulté, ce panneau « Céder le passage à la circulation venant en sens inverse » a été implanté ici. Cette voiture, arrêtée sur un chemin, a l'intention de tourner à gauche. Elle n'a pas encore traversé la route et n'est pas face à moi. Je ralentis, mais je passe. Réponse B.